Comme en français, il y a trois manières d'exprimer le futur. Commençons par les deux premières. Par exemple, vous pouvez dire « Je vous appellerai demain » ou « Je vais vous appeler demain ». Comment direz-vous « Je vous appellerai demain » ? Vous vous adressez à usted. Le llamaré. Ouais. Mañana. Le llamaré mañana. Ou, si vous utilisez la forme avec le verbe aller. Voy llamarle. Voyons. Je vais, suivi d'un autre verbe, c'est-à-dire dans le sens de je m'apprête à, se dit. Ah oui. Voy a. D'une traite. Voy a llamarle mañana. Très bien. Boya. Boya llamarle. La forme avec le verbe aller est très utilisée dans la langue parlée. Boya llamarle mañana. Mañana, qui s'écrit M-A-N avec un tilde. A-N-A. Donc, le son N s'écrit N avec tilde. Vous savez, ce petit S couché au-dessus du N. Donc, boya llamarle mañana. Mais j'ai dit qu'il y avait trois manières d'exprimer le futur. La troisième manière, c'est d'employer le présent. Et c'est aussi très courant en espagnol. Par exemple, comment direz-vous « Je vous appelle demain » ? Le llamo mañana. Bien, très bien. Vous avez insisté sur l'avant-dernière syllabe. Le llamo mañana. Et de la même manière, « Je t'appelle demain, te llamo mañana. » Voilà, c'est très courant d'employer le présent pour exprimer le futur. Le llamo mañana, le llamo más tarde, etc.